Va monter, là les beautés, les décolletés, les nouvelles modes sexy, serrées. Fait l'hiver, les boum boum de quartier zoom. On plante la tête aux pieds, les petits, les grands veulent peser. Les bruits de bécane se précèdent, les marques, les sapes se succèdent. Y'a des coupes nettes sur les mecs en quête d'un bisou, d'une bonne fête. Aux pieds, j'ai mes blanches baskets. En main, une fraîche canette, claire, classe et mon survêt. Mon air est angélique, mais j'ai sous ma casquette une vision diabolique. Ah, pas si, apprécie quand se vantent les vertus. Tous les corps est superflu, nos vues sont braquées dessus. Sous tes lunettes, admire l'ego quand... Avec les mamzelles, mecs quand la santé font un break et font du zèle. Ce honi à honi, ou qui ont fleuri dans les bois d'Arcy, regoutent petit à petit au plaisir de la vie. Pique-nique, rochette grillée, puis poulet torpillé. Y'a les copains, les copains, les copains, et à la fin, on est plein. Les papas pleins au rhum roupie font la sieste sous soleil. Les mamas surveillent leurs filles, et malgré les conseils, elles tombent dans les vices, ouais. Des malins, ouais. Dans les toiles qu'ils tissent. Tandis que les tam-tams retentissent, ces fleurettes fleurissent. Toutes veulent être bonnes, mignonnes, pour aller biguiner. Elles veulent bouger, sans tenter, même par un pari pollué. Pour ça les mecs il faut de l'essence dans le cabriolet. C'est la pénurie mais aussi la saison des gens cambriolés. Qui ne fait pas tout pour s'envoler, rouler. Laisse la couler douce, une beauté à ses côtés. Quand il fait chaud. Euro plus gros kilo égale stocco en maillot. Pour la maille, certains business ou travail. Même au McDo, d'autres tapent foot et basket sur des terrains en gravier. Tandis que le marchand de glace passe, les petits ne tiennent plus en place. Mamako, Makosa, l'été est là, c'est comme ça. Business, bouillaf, boisson, tu sais, les 3B c'est ça. Les Lolitas sont speed, la tendance est humide. 37-2 à l'ombre, le soleil surplombe. C'est l'été, ça circule sur les filles, ça fabule. Canicule, l'ambiance est bonne, j'suis avec mon groupuscule. Le bitume brûle, le téléphone sonne, les soirées se calculent. Arcade, Formule 1, dans les télos du ghetto, il fait chaud. Neuvilliers, Gare, Charcelles, Paris, Port de la Chapelle, Lyon et Marseille. Il fait de plus en plus chaud.